On va parler avec notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, pourquoi qu'on a dit Guy Boucher que la saison est finie, il n'y a plus rien à faire, tu sais, attends la fin de la saison, puis on passera la fin des émissions. On savait d'abord, parce que j'ai parlé à celui qui fait la même affaire que Martin McGuire cette semaine, Nicolas Saint-Pierre. Ouais. Puis il savait, là, il me l'a dit Guy Boucher. Guy Boucher, il sait qu'il va être congédié, là, il n'y a aucun doute là-dessus, sauf que, tu sais, ça donne rien, là, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que on veut faire un test du côté du sénateur d'Ottawa. Comment va réagir Mac Crawford avec les joueurs et comment les joueurs vont réagir avec Crawford derrière le banc? Parce que je voyais déjà, il y a une liste de sortie et je sais pas si tu as vu la liste là, des 5 candidats possibles. Le premier sur la liste, c'est un gars d'Ottawa. Il s'appelle Alain Vigneault. Je pense que Vigneault doit être sérieusement considéré. Parce qu'il y a de l'expérience, il y a du vécu, de la notoriété dans la Ligue nationale. Donc, il est considéré comme l'un des choses. Benoît Gros également, qui a dirigé à Gatineau, puis qui est dans la région d'Ottawa, puis qui est depuis 2 ans dans la Ligue américaine, connaît énormément de succès avec l'équipe à Tampa Bay. Puis je pense pas que demain matin, Benoît va aller dans la Ligue nationale remplacer Cooper avec Tampa Bay, qui connaît énormément de succès. Donc, c'en est un candidat. On parle de Michel Therrien. On parle de Crawford, écoutez, puis on parle également de Pascal Vincent. Pascal Vincent, c'est un ancien de la Ligue junior majeure du Québec qui dirige dans la Ligue américaine les Mouses de l'Alberta, si je me trompe pas. Et dans le cas de Vincent, il a été choisi l'instructeur par excellence dans la Ligue américaine l'an passé. Donc, il devient un candidat intéressant. Moi, je pense qu'à Ottawa, dans le secteur, à cause du milieu moitié francophone, moitié anglophone, ça prend quelqu'un qui parle les deux langues là, dans la région d'Ottawa. C'est pour ça que moi, je dis qu'Alain Vigneault, après un an complètement d'année sabbatique, doit être considéré comme un sérieux candidat. Est-ce que Crawford est l'homme de la situation? Moi, j'ai des doutes, j'ai des réserves. Écoutez, il est pas instructeur de l'international depuis de nombreuses années, alors qu'Alain Vigneault vient tout juste de quitter. Et est-ce que Vigneault est prêt à prendre un club jeune, puis rebâtir au complet, puis faire ce travail-là? Je le sais pas, mais c'est sûr que c'est pas un travail si évident que ça de rebâtir une formation comme les sénateurs vont à bâtir dans les prochaines années. Qui va s'en aller là avec Eugene Melnyk comme propriétaire? Mais encore là, Danny, toujours une question de dire... moi, je suis dans le cas d'Alain Vigneault, je pense qu'il reste encore une année de contrat. Ouais. Il gagnait au-dessus de 2,5 millions là-bas. Dans le cas des sénateurs, est-ce qu'ils ont le moyen de payer 2,5 millions un instructeur? Loin de là. Mm. On sait que... dans le cas de Boucher, c'est à peu près l'instructeur le moins bien payé de toute la Ligue nationale de hockey. Ouais. Donc, à ce moment-là, j'ai l'impression que dans le cas d'Eugène Melnyk, ça va prendre quelque chose à quelque part, Danny, pour vendre des billets puis de convaincre le monde qu'ils peuvent rebâtir une équipe. Tu sais, demain matin, et oui, ils ont des choix de repêchage, oui, ils ont de ci, oui, ils ont de ça. Mais quel joueur autonome, avec un gros contrat qui va signer, qui va s'en aller là pour les 3, 4 ou 5 prochaines années quand il sait que le club va être à rebâtir? Ouais. Ouais. Et alors que tu peux choisir un club qui a des chances de gagner, moi je pense que je douterais que les sénateurs soient capables d'aller chercher des joueurs autonomes de grande qualité. Donc à ce moment-là, je te dis pas que ça prend un instructeur vedette, mais ça prend quelqu'un de très crédible qui va convaincre certains joueurs de peut-être faire le saut avec les sénateurs d'Ottawa. Je vais t'en nommer un autre, moi, mais il y a même pas dans la liste, je viens de l'avoir dans la liste que tu parles, non? André oui. Tourigny. Mais Tourigny, là, faut pas oublier que... Ouais, mais je suis d'accord, là, il coach les 67 d'Ottawa. Patrick Roy, André Tourigny a déjà dirigé dans la Ligue nationale comme adjoint avec Patrick Roy, avec le Colorado. Il refait ses classes avec Halifax, puis il a refait ses classes également avec les 67 d'Ottawa. Mais encore là, c'est pas lui qui va convaincre certains joueurs de la Ligue nationale qui ont de la notoriété, qui sont là depuis longtemps, de venir jouer avec les sénateurs puis rebâtir l'équipe. C'est pour ça que moi, j'ai des réserves un peu des gars comme ça. Moi, je pense que Tourigny, un jour ou l'autre, va revenir dans la Ligue nationale. Mmh. Est-ce qu'il va être comme adjoint au départ? Peut-être. Il l'a déjà été. Mmh. Mais instructeur-chef, là, vous savez, comme moi, Benoît Gros est en avant de Tourigny, là, parce qu'il y a 2 ans dans la Ligue américaine. Pascal Vincent, il est rendu à sa 4e saison dans la Ligue américaine. Le choix a été choisi l'instructeur par excellence. Moi, je pense que ces gars-là sont tous avant André Tourigny pour vraiment diriger. Donc, à ce moment-là, je pense que le candidat numéro 1, c'est Alain Vigneault. C'est un gars d'Ottawa. C'est un gars également qui est parfait bilingue. C'est un gars qui a de la crédibilité, de la notoriété. Et auprès des joueurs et auprès des jeunes joueurs, Pillot est capable, je pense, de faire ce travail-là. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi, c'était naturel. Sauf qu'avec Eugene Melnyk comme propriétaire... Ah, ça, c'est encore là. Ouais. Je veux dire, Mignot, là, ça faisait un an qu'il était en dehors de la Ligue nationale. Il n'y a pas eu d'offre à nulle part. C'est comme Michel Therrien, ça fait 2 ans. Guy Carbonneau, ça fait 3 ans ou 4 ans. Mm. Moi, je dis que quand tu passes un an ou deux en dehors de ça, t'es fini, t'es terminé, tu peux plus revenir dans la Ligue nationale. Bob Hartley, c'est clair. Candidat d'Ottawa aussi? Comment? Bob Hartley? Bob Hartley peut être un candidat. Ouais. Mais encore là, Bob Hartley, ça fait une couple d'années qu'il n'est pas dans la Ligue nationale. Non, c'est sûr. Il a été congédié plusieurs fois aussi. Mm. Vigneault l'a été également, mais Vigneault, il y a une chose qui est, dans le cas de Vigneault que tu dois dire, il a gagné, et ça, je pense que ça devient un élément important. OK. Qui est l'organisation la plus hypothéquée? Est-ce que c'est les Alouettes ou c'est les Sénateurs? Ça ressemble pas mal. moi, les Sénateurs, je vais te dire, ils ont décidé de rebâtir, ils n'ont peut-être pas les moyens financiers, mais à Montréal, c'est pas ça, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, on peut pas dire que Montréal n'a pas les moyens financiers d'avoir un bon club de football. Moi, où je suis surpris, ça fait 5 ans que c'est débattu de gauche et à droite, Danny, puis je regarde ça, puis Reed reste encore comme DG. J'ai un peu de difficulté, il a fait des transactions pour obtenir un quart arrière numéro 1. Là, on se rend compte qu'il fait partie de l'équipe, il a fait des transactions, tout le monde se pose la question pourquoi. Tout le monde dit qu'il est pas bon, mais le propriétaire le laisse en place. Donc, moi, là, j'ai un peu de difficulté avec ça. Hein. Il fait des années que les Alouettes sont dans les bas-fonds, puis ça progresse pas, là. Moi, personnellement, là. Mais à Ottawa, remarque bien, ce qu'ils viennent de faire là, c'est une vente de feu, là. Ah. Mais le Nick, là, moi, je suis pas sûr. Deuxièmement, la population veut rien savoir de lui comme propriétaire. Tout est conduit, c'est un site, là. Mm. L'équipe va pas bien. Le DG est mis en doute, Pierre Dorion, tu sais. Ils vont être la pire équipe de la Ligue nationale. Il y aurait le premier choix. Ils pourraient choisir parmi les 2-3 premiers. Ils l'échangeaient l'année passée pour Duchesne. Et Duchesne n'est même plus là. Tu regardes ça et tu dis, hey, ça se peut pas avoir fait des transactions comme ça. Puis mal gérer son club. Moi, Dorion, c'est un dépisteur. Mm. Est-ce que c'est un DG tout à fait extraordinaire? Comme jusqu'à actuellement, il m'a pas fait la preuve que c'est un très grand DG. Non, non, non. Phil, Canadien, si on fait pas les séries, admettons qu'on fait pas les séries, là. Est-ce que... comment qu'on peut qualifier ça? Moi, je suis l'école de dire que tant qu'on n'a pas fait les séries, on est aussi bien de descendre dans le cadre. Sauf que tu peux pas dire qu'on a pour une belle année, là, même si on fait pas les séries, ça va être une maudite belle année. Comment tu penses ça? Moi, je pense que le Canadien répond au-dessus des attentes de tous les observateurs au moment où on se parle. Et avec 20 parties au calendrier, ils sont en pleine course pour participer aux séries de fin de saison. Ça peut arriver qu'il l'échappe, les séries éliminatoires, comme Pittsburgh peut l'échapper, parce qu'il est arrivé dans le décor une équipe qui s'appelle la Caroline, que personne ne voyait venir. Ils sont là, ils continuent de gagner. Saint-Louis était exclu des séries il y a 6-7 semaines, ils sont dans les séries. Columbus a décidé de haul-in cette année, donc ils ont fait des transactions pour faire les séries. Mais Marc Bergevin n'est pas tombé dans ce piège-là. Et je pense que dans sa philosophie, puis dans ce qu'il avait prévu en début d'année, on pensait pas nécessairement que le Canadien faisait série. Il y avait du monde qui mettait des 2-3 derniers au classement général. Mm. À un certain moment, il était parmi les 7-8 meilleurs clubs de la Ligue. Donc, moi, personnellement, dernièrement, où j'ai eu un peu de crainte que le Canadien ne fasse pas une série, c'est que sur la route, ils ont énormément de difficultés. Le Canadien n'est pas très physique, il n'est pas très gros, et moindrement que c'est qu'il joue contre des équipes qui brassent un peu puis qui font un peu d'intimidation, le Canadien n'a pas de taille pour figurer. Mais encore là, il va falloir que Price continue de garder les buts comme il l'a fait depuis le début de l'année. Puis il va falloir également que certains joueurs... tu sais, je regardais certains joueurs l'autre soir, la manière qu'ils jouaient. Il y a des matchs où les trios fonctionnent de façon extraordinaire. Il y en a d'autres, tu vois, où tu les vois pas pantoute. Là. Drouin, comme Jonathan Drouin. Un joueur, tu le vois, il transporte la rondelle, il patine. D'abord, c'est un patineur ultra rapide. Et il transporte la rondelle partout. Mais moindrement, ça devient robuste. Il est plus là. Il est pas dans le coin de patinoire, il prendra pas de mise en échec, il ira pas se battre dans un coin. Donc, je regarde ça, puis je me dis, le Canadien risque de faire les séries, oui, mais il va falloir que Price soit extraordinaire d'ici la fin de l'année pour permettre au Canadien de participer aux séries de fin de saison. OK. Phil, on se reparle vendredi prochain. Commentaire de Félix.